Fal-ayatul oula. Donc le premier verset qu'a choisi l'auteur, rahmatullahi alayhi, il nous dit wa qawlillahi ta'ala. Et donc le titre, ainsi que la parole d'Allah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yaku min al-mushrikin. Certes, Ibrahim était un guide. Ibrahim était un guide obéissant pour Allah, hanifan. On verra l'explication de hanif tout à l'heure, inshallah. Hanifan, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Sourate An-Nahl, le verset numéro 120. ففي هذه الآية أيها الإخوة الأحبة أن الله تبارك وتعالى أثنى على خليله إبراهيم ووصفه بأربعة أوصاف. Il y a dans ce verset que Allah تبارك وتعالى il a fait l'éloge de son plus aimé Ibrahim et qu'il l'a décrit avec quatre caractéristiques. فالوصف الأول. La première caractéristique, on la trouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, inna Ibrahim kana umma. Certes, Ibrahim était un imam, un guide. Fa Ibrahim imamun yuktada bihi. Et donc Ibrahim était un guide qui doit être suivi. Wa qad amara Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam an yattabi'a millata Ibrahim. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Ibrahim, comme dans sa parole thumma awhayna ilayka an ittabi'a millata Ibrahim hanifa. Puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Ibrahim, hanifan. Toujours, donc le terme hanif qu'on va expliquer, inshallah ta'ala. Wa antum ta'lamun, ayyuha al-ikhwa, anna al-kuffar yakulun inna Ibrahim imamu milali tawhid. Ou innahu abu milali tawhid. Et donc vous savez, oh chers frères, que les incroyants, ils nous disent que Ibrahim alayhi salam, c'est en réalité le guide, l'imam, le leader des religions monothéistes. Ou alors ils disent, comme on le voit souvent, le père des religions monothéistes. Et certes, nous ne sommes pas d'accord avec eux concernant cette parole. Car la religion du monothéisme est une seule religion. Et tout ce qu'il y a en dehors de cette religion ne sont que des égarements et du polythéisme. لكن كلامهم هذا حجة عليهم لو تأملنا. Cependant, cette parole qu'ils prononcent, en réalité, est une preuve contre eux si on y médite. Et cela à cause du polythéisme qu'ils vont faire. لذا نقول لهم ما دمتم تعتقدون أن إبراهيم عليه السلام هو إمام يقتدى به فهل كان إبراهيم عليه السلام يعبد عيسى أو يأمر بعبادته. Et donc c'est pour cela que nous leur disons aux incroyants, vu que vous croyez, que vous avez la ferme croyance que Ibrahim عليه السلام est un guide qui doit être suivi. Est-ce que Ibrahim, il adorait Isa? Ou est-ce que Ibrahim appelait au fait d'adorer Isa? Ituni bi ayatin wahida min kitabikum